Chapitre 5e, Messieurs Boehmer et Bossange. Le lendemain, grâce à l'activité du duc Ornault à Jeun, l'ambassade était sortie de sa léthargie. Bureaux, cartons, écritoires, aires d'apparat, chevaux piaffant dans la cour, indiquaient la vie là où la veille encore on sentait l'atonie et la mort. Le bruit se répandit vite dans le quartier qu'un grand personnage, chargé d'affaires, était arrivé de Portugal pendant la nuit. Ce bruit, qui devait donner du crédit à nos trois fripons, était pour eux une source de frayeur toujours renaissante. En effet, la police de M. de Crone et celle de M. de Breteuil avaient de larges oreilles qu'elles se garderaient bien de clore en pareille occurrence. Elles avaient des yeux d'Argus que certainement elles ne fermeraient pas lorsqu'il s'agirait de messieurs les diplomates du Portugal. Mais Don Manuel fit observer à Beausire qu'avec de l'audace, on empêcherait les recherches de la police d'être soupçons avant 8 jours, les soupçons d'être certitude avant 15 jours, que par conséquent, avant 10 jours, moyen terme, rien ne gênerait les allures de l'association, laquelle association, pour bien agir, devait avoir terminé ses opérations avant 6 jours. L'aurore venait de poindre quand 2 chaises de louage amenèrent dans l'hôtel la cargaison des 9 drôles destinée à composer le personnel de l'ambassade. Ils furent installés bien vite, ou pour mieux dire, couchés par Beausire. On en mit un à la caisse, l'autre aux archives, un troisième remplaça le Suisse, auquel Duc Ornault lui-même donna son congé, sous prétexte qu'il ne savait pas le portugais. L'hôtel se trouva donc peuplé par cette garnison qui devait en défendre les abords à tout profane. La police est profane au plus haut degré pour ceux qui ont des secrets politiques ou autres. Vers midi, Don Manuel di Souza, s'étant habillé galamment, monta dans un carrosse fort propre que Beausire avait loué 500 livres par mois en payant 15 jours d'avance. Il partit pour la maison de messieurs Boehmer et Bossange en compagnie de son secrétaire et de son valet de chambre. Le chancelier reçut l'ordre d'expédier sous son couvert et, comme d'habitude, en l'absence des ambassadeurs, toutes les affaires relatives au passeport, à indemnités et secours, avec attention toutefois de ne donner des espèces ou de solder des acomptes qu'avec l'agrément de monsieur le secrétaire. Ces messieurs voulaient garder intacte la somme de 100 000 livres, pivot fondamental de toute l'opération. On apprit à monsieur l'ambassadeur que les joailliers de la couronne demeuraient sur le quai de l'école, où ils firent leur entrée vers 1 heure de relevée. Le valet de chambre frappa modestement à la porte du joaillier, qui était fermée par de fortes serrures et garnie de gros clous à large tête, comme une porte de prison. L'art avait disposé ces clous de manière à former des dessins plus ou moins agréables. Il était constaté seulement que jamais vrille, scie ou lime n'eût pu mordre un morceau de bois sans se rompre une dent sur un morceau de fer. Un guichet très hissé s'ouvrit et une voix demanda au valet de chambre ce qu'il désirait savoir. « Monsieur l'ambassadeur de Portugal veut parler à messieurs Boehmer et Bossange, » répondit le valet. Une figure apparut bien vite au premier étage, puis un pas précipité se fit entendre dans l'escalier, la porte s'ouvrit. Don Manuel descendit de voiture avec une noble lenteur. M. Beausire était descendu le premier pour offrir son bras à son Excellence. L'homme qui s'avançait avec tant d'empressement au-devant des 2 Portugais était M. Boehmer lui-même, et qui, en entendant s'arrêter la voiture, avait regardé par ses vitres, entendu le mot « ambassadeur » et s'était élancé pour ne pas faire attendre son Excellence. Le joaillier se confondit en excuses pendant que Don Manuel montait l'escalier. M. Beausire remarqua que derrière eux, une vieille servante, vigoureuse et bien découplée, fermait verrous, serrures, dont il avait un grand luxe à la porte de la rue. M. Beausire, ayant paru faire ses observations avec une certaine recherche, M. Boehmer lui dit « Monsieur, pardonnez, nous sommes si fort exposés dans notre malheureuse profession que nos habitudes renferment toute une précaution quelconque. » Don Manuel était demeuré impassible. Boehmer le vit et lui réitéra lui-même la phrase qui avait obtenu de Beausire un sourire agréable. Mais l'ambassadeur, n'ayant pas plus sourcil à la seconde fois qu'à la première, « Pardonnez, monsieur l'ambassadeur, » dit encore Boehmer, décontenancé. « Son Excellence ne parle pas français, » dit Beausire, « et ne peut vous entendre, monsieur, mais je vais lui transmettre vos excuses, à moins, se hâta-t-il de dire, que vous-même, monsieur, ne parliez le portugais. Non, monsieur, non. Je parlerai donc pour vous. » Et Beausire baragouina quelques mots portugais à Don Manuel, qui répondit dans la même langue. Son Excellence, monsieur le comte de Souza, ambassadeur de Sa Majesté très fidèle, accepte gracieusement vos excuses, monsieur, et me charge de vous demander s'il est vrai que vous avez encore en votre possession un beau collier de diamants. » Bemer leva la tête et regarda Beausire en homme qui sait toiser son monde. Beausire soutint le choc en habile diplomate. « Un collier de diamants, » dit lentement Bemer, « un fort beau collier. »« Celui que vous avez offert à la reine de France, » ajouta Beausire, « et dont sa majesté très fidèle a entendu parler. » « Monsieur, » dit Bemer, « est un officier de monsieur l'ambassadeur ?»« Son secrétaire particulier, monsieur. » Don Manuel s'était assis en grand seigneur. Il regardait les peintures des panneaux d'une assez belle pièce qui donnait sur le quai. Un beau soleil éclairait alors la Seine, et les premiers peupliers montraient leurs pousses d'un vert tendre au-dessus des eaux, grosses encore et jaunies par le dégel. Don Manuel passa de l'examen des peintures à celui du paysage. « Monsieur, » dit Beausire, « il me semble que vous n'avez pas entendu un mot de ce que je vous ai dit. »« Comment cela, monsieur ?» répondit Bemer, un peu étourdi du ton vif du personnage. « C'est que je vois son Excellence qui s'impatiente, monsieur le joaillier. »« Monsieur, pardon, » dit Bemer tout rouge. « Je ne dois pas montrer le collier sans être assisté de mon associé, monsieur Beausange. »« Eh bien, monsieur, faites venir votre associé. » Don Manuel se rapprocha, et de son air glacial qui comportait une certaine majesté, il commença en portugais une allocution qui fit plusieurs fois courber sous le respect la tête de Beausire. Après quoi, il tourna le dos et reprit sa contemplation en vitre. « Son Excellence me dit, monsieur, qu'il y a déjà 10 minutes qu'elle attend, et qu'elle n'a pas l'habitude d'attendre nulle part, pas même chez les rois. » Bemer s'inclina, prit un cordon de sonnette et l'agita. 1 minute après, une autre figure entra dans la chambre, c'était M. Beausange, l'associé. Bemer le mit au fait avec 2 mots. Beausange donna son coup d'œil aux 2 Portugais, et finit par demander à Bemer sa clé pour ouvrir le coffre-fort. « Il me paraît que les honnêtes gens, pensa Beausire, prennent autant de précautions les uns contre les autres que les voleurs. » 10 minutes après, M. Beausange revint, portant un écrin dans sa main gauche. Sa main droite était cachée sous son habit. Beausire y vit distinctement le relief de 2 pistolets. « Nous pouvons avoir bonne mine, » dit Don Manuel gravement en portugais, « mais ces marchands nous prennent plutôt pour des filous que pour des ambassadeurs. » Et en prononçant ces mots, il regarda bien les joailliers pour saisir sur leur visage la moindre émotion dans le cas où ils comprendraient le portugais. Rien ne parut, rien qu'un collier de diamants si merveilleusement beau que l'éclat éblouissait. On mit avec confiance cet écrin dans les mains de Don Manuel, qui soudain avec colère, « Monsieur, » dit-il à son secrétaire, « dites à ces drôles qu'ils abusent de la permission qu'a un marchand d'être stupide. Ils me montrent du strass quand je leur demande des diamants. Dites-leur que je me plaindrai au ministre de France et qu'au nom de ma reine, je ferai jeter à la Bastille les impertinents qui mystifient un ambassadeur du Portugal. » Lisant ces mots, il fit voler d'un revers de main l'écrin sur le comptoir. Beausire n'eut pas besoin de traduire toutes les paroles, la pantomime avait suffi. Bemer et Beausange se confondirent en excuses et dirent qu'en France, on montrait des modèles de diamants, des semblants de parure, le tout pour satisfaire les honnêtes gens, mais pour ne pas allécher ou tenter les voleurs. M. de Souza fit un geste énergique et marcha vers la porte aux yeux des marchands inquiets. « Son Excellence me charge de vous dire, poursuivit Beausire, qu'il est fâcheux que des gens qui portent le titre de joaillier de la couronne de France en soient à distinguer un ambassadeur d'avec un gredin, et son Excellence se retire à son hôtel. » Mais ce Bemer et Beausange se firent un signe et s'inclinèrent en protestant de nouveau de tout leur respect. M. de Souza leur faillit marcher sur les pieds et sortit. Les marchands se regardèrent, décidément inquiets et courbés jusqu'à terre. Beausire suivit fièrement son maître. La vieille ouvrit les serrures de la porte. « À l'hôtel de l'ambassade, rue de la Jussienne !» cria Beausire au valet de chambre. « À l'hôtel de l'ambassade, rue de la Jussienne !» cria le valet au cocher. Bemer entendit au travers du guichet. « Affaire manquée, » grommela le valet. « Affaire faite, » dit Beausire. « Dans 1 heure, ces croquants seront chez nous. » Le carrosse roula comme s'il eût été enlevé par 8 chevaux.